Section 23. Troisième partie, livre 7e. Ce livre a été écrit à Paris en 1839 et revu le 22 février 1845. Changement du monde, année de ma vie 1815-1816. Je suis nommé pair de France. Mon début à la tribune. Divers discours. Monarchie selon la charte. Louis XVIII. Monsieur de Cazes, je suis rayé de la liste des ministres d'État. Je vends mes livres et ma vallée. Suite de mes discours en 1817 et 1818. Réunion Pied. Le conservateur. De la morale des intérêts matériels et de celle des devoirs. Année de ma vie 1820. Mort du duc de Berry. Naissance du duc de Bordeaux. Les dames de la halle de Bordeaux. Je fais entrer M. Villèle et M. de Corbière dans leur premier ministère. Ma lettre au duc de Richelieu. Billet du duc de Richelieu et ma réponse. Billet de M. de Polignac. Lettre de M. de Montmorency et de M. Pasquier. Je suis nommé ambassadeur à Berlin. Je pars pour cette ambassade. Retomber de Bonaparte et de l'Empire à ce qui les a suivis, c'est tomber de la réalité dans le néant, du sommet d'une montagne dans un gouffre. Tout n'est-il pas terminé avec Napoléon? Aurais-je dû parler d'autre chose? Quel personnage peut intéresser en dehors de lui? De qui et de quoi peut-il être question après un pareil homme? Dante a eu seul le droit de s'associer aux grands poètes qu'il rencontre dans les régions d'une autre vie. Comment nommer Louis XVIII en place de l'empereur? Je rougis en pensant qu'il me faut nasillonner à cette heure d'une foule d'infimes créatures dont je fais partie, être douteuse et nocturne que nous fûmes d'une scène dont le large soleil avait disparu. Les bonapartistes eux-mêmes s'étaient racornis. Leurs membres s'étaient repliés et contractés. L'âme manqua à l'univers nouveau sitôt que Bonaparte retira son souffle. Les objets s'effacèrent dès qu'ils ne furent plus éclairés de la lumière qui leur avait donné le relief et la couleur. Au commencement de ces mémoires, je n'eus à parler que de moi. Or, il y a toujours une sorte de primauté dans la solitude individuelle de l'homme. Ensuite, je fus environné de miracles. Ces miracles soutinrent ma voix, mais à cette heure, plus de conquêtes d'Égypte, plus de batailles de Marengo, d'Austerlitz et d'Iéna, plus de retraites de Russie, plus d'invasions de la France, de prises de Paris, de retours de l'île d'Elbe, de batailles de Waterloo, de funérailles de Sainte-Hélène. Quoi donc? Des portraits à qui le génie de Molière pourrait seul donner la gravité du comique. En m'exprimant sur notre peu de valeur, j'ai serré de près ma conscience. Je me suis demandé si je ne m'étais pas incorporé par calcul à la nullité de ces temps, pour acquérir le droit de condamner les autres. Persuadé que j'étais in petto que mon nom se lirait au milieu de toutes ces effaçures. Non, je suis convaincu que nous nous évanouirons tous. Premièrement, parce que nous n'avons pas en nous de quoi vivre. Secondement, parce que le siècle dans lequel nous commençons ou finissons nos jours n'a pas lui-même de quoi nous faire vivre. Des générations mutilées, épuisées, dédaigneuses, sans foi, vouées au néant qu'elles aiment, ne sauraient donner l'immortalité. Elles n'ont aucune puissance pour créer une renommée. Quand vous cloueriez votre oreille à leur bouche, vous n'entendriez rien. Nul son ne sort du cœur des morts. Une chose cependant me frappe. Le petit monde dans lequel j'entre à présent était supérieur au monde qui lui a succédé en 1830. Nous étions des géants en comparaison de la société de Ciron qui s'est engendrée. La Restauration offre du moins un point où l'on peut retrouver de l'importance. Après la dignité d'un seul homme, cet homme passé renaquit la dignité des hommes. Si le despotisme a été remplacé par la liberté, si nous entendons quelque chose à l'indépendance, si nous avons perdu l'habitude de ramper, si les droits de la nature humaine ne sont plus méconnus, c'est à la Restauration que nous en sommes redevables. Aussi me jetai-je dans la mêlée pour, autant que je le pouvais, raviver l'espèce quand l'individu fut fini. Allons, poursuivons notre tâche. Descendons en gémissant jusqu'à moi et à mes collègues. Vous m'avez vu au milieu de mes songes. Vous allez me voir dans mes réalités. Si l'intérêt diminue, si je tombe, lecteur, soyez juste. Faites la part de mon sujet. Après la seconde rentrée du roi et la disparition finale de Bonaparte, le ministère étant aux mains de M. le duc d'Otrante et de M. le prince de Talleyrand, je fus nommé président du collège électoral du département du Loiret. Les élections de 1815 donnèrent au roi la chambre introuvable. Toutes les voix se portaient sur moi à Orléans lorsque l'ordonnance qui m'appelait à la chambre des pairs m'arriva. Ma carrière d'action à peine commencée changea subitement de route. Qu'eût-elle été si j'eusse été placé dans la chambre élective ? Il est assez probable que cette carrière aurait abouti, en cas de succès, au ministère de l'Intérieur, au lieu de me conduire au ministère des Affaires étrangères. Mes habitudes et mes mœurs étaient plus en rapport avec la pairie, et quoique celle-ci me devint hostile dès le premier moment à cause de mes opinions libérales, il est toutefois certain que mes doctrines sur la liberté de la presse et contre le vassalage des étrangers donnèrent à la noble chambre cette popularité dont elle a joui tant qu'elle souffrit mes opinions. Je reçus en arrivant le seul honneur que mes collègues m'aient jamais fait pendant mes 15 années de résidence au milieu d'eux. Je fus nommé l'un des 4 secrétaires pour la session de 1816. Lord Byron n'obtint pas plus de faveur lorsqu'il parut à la Chambre des Lords et il s'en éloigna pour toujours. J'aurais dû rentrer dans mes déserts. Mon début à la tribune fut un discours sur l'inamovibilité des juges. Je louais le principe, mais j'en blâmais l'application immédiate. Dans la révolution de 1830, les hommes de la gauche, les plus dévoués à cette révolution, voulaient suspendre pour un temps l'inamovibilité. Le 22 février 1816, le duc de Richelieu nous apporta le testament autographe de la reine. Je montai à la tribune et je dis « Celui qui nous a conservé le testament de Marie-Antoinette avait acheté la terre de Montboisis. Juge de Louis XVI, il avait élevé dans cette terre un monument à la mémoire du défenseur de Louis XVI. Il avait gravé lui-même sur ce monument une épitaphe en vers français à la louange de M. de Malesherbes. Cette étonnante impartialité annonce que tout est déplacé dans le monde moral. » Le 12 mars 1816, on agita la question des pensions ecclésiastiques. « Vous refuseriez, disais-je, des aliments aux pauvres vicaires qui consacrent aux autels le reste de ses jours, et vous accorderiez des pensions à Joseph Lebon qui fit tomber tant de têtes, à François Chabot qui demandait pour les émigrés une loi si simple qu'un enfant pût les mener à la guillotine, à Jacques Roux, lequel, refusant au temple de recevoir le testament de Louis XVI, répondit à l'infortuné monarque « Je ne suis chargé que de te conduire à la mort ». On avait apporté à la chambre héréditaire un projet de loi relatif aux élections. Je me prononçai pour le renouvellement intégral de la chambre des députés. Ce n'est qu'en 1824, étant ministre, que je le fis entrer dans la loi. Ce fut aussi dans ce premier discours sur la loi d'élection en 1816, que je répondis à un adversaire « Je ne relève point ce qu'on a dit de l'Europe attentive à nos discussions. Quant à moi, messieurs, je dois sans doute au sang français qui coule dans mes veines cette impatience que j'éprouve quand, pour déterminer mon suffrage, on me parle des opinions placées hors ma patrie. Et si l'Europe civilisée voulait m'imposer la charte, j'irai vivre à Constantinople. » Le 9 avril 1816, je fis à la Chambre une proposition relative aux puissances barbaresques. La Chambre décida qu'il y avait lieu de s'en occuper. Je songeais déjà à combattre l'esclavage avant que j'eusse obtenu cette décision favorable de la pairie, qui fut la première intervention politique d'une grande puissance en faveur des Grecs. J'ai vu, disais-je à mes collègues, les ruines de Carthage. J'ai rencontré parmi ces ruines les successeurs de ces malheureux chrétiens pour la délivrance desquels Saint Louis fit le sacrifice de sa vie. La philosophie pourra prendre sa part de la gloire attachée au succès de ma proposition et se vanter d'avoir obtenu dans un siècle de lumière ce que la religion tenta inutilement dans un siècle de ténèbres. J'étais placé dans une assemblée où ma parole, les 3/4 du temps, tournait contre moi. On peut remuer une chambre populaire, une chambre aristocratique et sourde. Sans tribune, à huis clos devant des vieillards, restes desséchés de la vieille monarchie, de la Révolution et de l'Empire, ce qui sortait du ton le plus commun paraissait folie. Un jour, le premier rang des fauteuils, tout près de la tribune, était rempli de respectables pères, plus sourds les uns que les autres, la tête penchée en avant et tenant à l'oreille un cornet dont l'embouchure était dirigée vers la tribune. Je les endormis, ce qui est bien naturel. Un d'eux laissa tomber son cornet. Son voisin, réveillé par la chute, voulut ramasser poliment le cornet de son confrère. Il tomba. Le mal fut que je me pris à rire, quoique je parlasse alors pathétiquement sur je ne sais plus quel sujet d'humanité. Les orateurs qui réussissaient dans cette chambre étaient ceux qui parlaient sans idée, d'un ton égal et monotone, ou qui ne trouvaient de sensibilité que pour s'attendrir sur les pauvres ministres. M. de Lally-Tollendal tonnait en faveur des libertés publiques. Il faisait retentir les voûtes de notre solitude de l'éloge de trois ou quatre lords de la chancellerie anglaise. « Ses aïeux, » disait-il. Quand son panégyrique de la liberté de la presse était terminé, arrivait un « mais » fondé sur des circonstances, lequel « mais » nous laissait l'honneur sauf sous l'utile surveillance de la censure. La restauration donna un mouvement aux intelligences. Elle délivra la pensée comprimée par Bonaparte. L'esprit, comme une cariatide déchargée de l'architecture qui lui courbait le front, releva la tête. L'Empire avait frappé la France de mutisme. La liberté restaurée la toucha et lui rendit la parole. Il se trouva des talents de tribune qui reprirent les choses où les Mirabeau et les Casalès les avaient laissées, et la Révolution continua son cours. Mes travaux ne se bornaient pas à la tribune, si nouvelle pour moi. Épouvanté des systèmes que l'on embrassait et de l'ignorance de la France sur les principes du gouvernement représentatif, j'écrivais et je faisais imprimer la monarchie selon la charte. Cette publication a été une des grandes époques de ma vie politique. Elle me fit prendre rang parmi les publicistes. Elle servit à fixer l'opinion sur la nature de notre gouvernement. Les journaux anglais portèrent cet écrit au nu. Parmi nous, l'abbé Morlaix même ne revenait pas de la métamorphose de mon style et de la précision dogmatique des vérités. La monarchie selon la charte est un catéchisme constitutionnel. C'est là que l'on a puisé la plupart des propositions que l'on avance comme nouvelles aujourd'hui. Ainsi ce principe, que le roi règne et ne gouverne pas, se trouve tout entier dans les chapitres 4, 5, 6 et 7 sur la prérogative royale. Les principes constitutionnels étant posés dans la première partie de la monarchie selon la charte, j'examine dans la seconde les systèmes des trois ministères qui jusqu'alors s'étaient succédés depuis 1814 jusqu'à 1816. Dans cette partie se rencontrent des prédictions depuis trop vérifiées et des expositions de doctrines alors cachées. On lit ces mots, chapitre 26, deuxième partie. Il passe pour constant dans un certain parti qu'une révolution de la nature de la nôtre ne peut finir que par un changement de dynastie. D'autres, plus modérés, disent par un changement dans l'ordre de successibilité à la couronne. Comme je terminais mon ouvrage, parut l'ordonnance du 5 septembre 1816. Cette mesure dispersait le peu de royalistes rassemblés pour reconstruire la monarchie légitime. Je me hâtai d'écrire le post-scriptum qui fit faire explosion à la colère de M. le duc de Richelieu et du favori de Louis XVIII, M. de Cazes. Le post-scriptum ajouté, je courus chez M. le Normand, mon libraire. Je trouvai, en arrivant, des alguazils et un commissaire de police qui instrumentaient. Ils avaient saisi des paquets et apposé des scellés. Je n'avais pas bravé Bonaparte pour être intimidé par M. de Cazes. Je m'opposais à la saisie. Je déclarais comme Français libre et comme pair de France que je ne céderais qu'à la force. La force arriva et je me retirai. Je me rendis le 18 septembre chez messieurs Louis-Marthe Meynier et son collègue, notaires royaux. Je protestai à leur étude et je les requis de consigner ma déclaration du fait de l'arrestation de mon ouvrage, voulant assurer par cette protestation les droits des citoyens français. Monsieur Baude m'a imité en 1830. Je me trouvai engagé ensuite dans une correspondance assez longue avec M. le chancelier, M. le ministre de la police et M. le procureur général Bellard, jusqu'au 9 novembre, jour que le chancelier m'annonça l'ordonnance rendue en ma faveur par le tribunal de première instance, laquelle me remit en possession de mon ouvrage saisi. Dans une de ses lettres, M. le chancelier me mandait qu'il avait été désolé de voir le mécontentement que le roi avait exprimé publiquement de mon ouvrage. Ce mécontentement venait des chapitres où je m'élevais contre l'établissement d'un ministre de la police générale dans un pays constitutionnel. Dans mon récit du voyage de Gand, vous avez vu ce que Louis XVIII valait comme fils de Hugues Capet. Dans mon écrit « Le roi est mort, vive le roi », j'ai dit les qualités réelles de ce prince. Mais l'homme n'est pas un et simple. Pourquoi y a-t-il si peu de portraits fidèles? Parce qu'on a fait poser le modèle à telle époque de sa vie. 10 ans après, le portrait ne ressemble plus. Louis XVIII n'apercevait pas loin les objets devant lui ni autour de lui. Tout lui semblait beau ou laid d'après l'angle de son regard. Atteint de son siècle, il est à craindre que la religion ne fût pour le roi très chrétien qu'un élixir propre à l'amalgame des drogues de quoi se compose la royauté. L'imagination libertine qu'il avait reçue de son grand-père aurait pu inspirer quelque défiance de ses entreprises. Mais il se connaissait, et quand il parlait d'une manière affirmative, il se vantait en se raillant de lui-même. Je lui parlais un jour de la nécessité d'un nouveau mariage pour monsieur le duc de Bourbon, afin de rappeler la race des Condés à la vie. Il approuvait fort cette idée, quoiqu'il ne se souciât guère de la dite résurrection. Mais à ce propos, il me parla de monsieur le comte d'Artois et me dit « Mon frère pourrait se remarier sans rien changer à la succession au trône. Il ne ferait que des cadets. Pour moi, je ne ferais que des aînés. Je ne veux point déshériter monsieur le duc d'Angoulême. » Et il se rengorgea d'un air capable et goguenard. Mais je ne prétendais disputer au roi aucune puissance. Égoïste et sans préjugés, Louis XVIII voulait sa tranquillité à tout prix. Il soutenait ses ministres tant qu'ils avaient la majorité. Il les renvoyait aussitôt que cette majorité était ébranlée et que son repos pouvait être dérangé. Il ne balançait pas à reculer dès que, pour obtenir la victoire, il eût fallu faire un pas en avant. Sa grandeur était de la patience. Il n'allait pas aux événements, les événements venaient à lui. Sans être cruel, ce roi n'était pas humain. Les catastrophes tragiques ne l'étonnaient ni ne le touchaient pas. Il se contenta de dire au duc de Berry, qui s'excusait d'avoir eu le malheur de troubler par sa mort le sommeil du roi, « J'ai fait ma nuit ». Pourtant, cet homme tranquille, lorsqu'il était contrarié, entrait dans d'horribles colères. Enfin, ce prince si froid, si insensible, avait des attachements qui ressemblaient à des passions. Ainsi se succédèrent dans son intimité le comte d'Avaray, M. de Blacas, M. de Caz, Mme de Balbi, Mme du Cayla. Toutes ces personnes aimées étaient des favoris. Malheureusement, elles ont entre leurs mains beaucoup trop de lettres. Louis XVIII nous apparut dans toute la profondeur des traditions historiques. Il se montra avec le favoritisme des anciennes royautés. Se fait-il dans le cœur des monarques isolés un vide qu'ils remplissent avec le premier objet qu'ils trouvent? Est-ce sympathie, affinité d'une nature analogue à la leur? Est-ce une amitié qui leur tombe du ciel pour consoler leur grandeur? Est-ce un penchant pour un esclave qui se donne corps et âme, devant lequel on ne se cache de rien, esclave qui devient un vêtement, un jouet, une idée fixe, liée à tous les sentiments, à tous les goûts, à tous les caprices de celui qu'elle a soumis et qu'elle tient sous l'empire d'une fascination invincible? Plus le favori a été bas et intime, moins on le peut renvoyer, parce qu'il est en possession de secrets qui feraient rougir s'ils étaient divulgués. Se préférer puise une double force dans sa turpitude et dans les faiblesses de son maître. Quand le favori est par hasard un grand homme, comme l'obsesseur Richelieu ou l'irrenvoyable Mazarin, les nations en le détestant profitent de sa gloire ou de sa puissance. Elles ne font que changer un misérable roi de droit pour un illustre roi de fait. Aussitôt que M. de Caz fut nommé ministre, les voitures encombrèrent le soir le quai Malaquais pour déposer dans le salon du parvenu ce qu'il y avait de plus noble dans le faubourg Saint-Germain. Le Français aura beau faire, il ne sera jamais qu'un courtisan, n'importe de qui, pourvu que ce soit un puissant du jour. Il se forma bientôt en faveur du nouveau favori une coalition formidable de bêtises. Dans la société démocratique, bavardée de liberté, déclarez que vous voyez la marche du genre humain et l'avenir des choses, en ajoutant à vos discours quelques croix d'honneur, et vous êtes sûr de votre place. Dans la société aristocratique, jouez au whist, débitez d'un air grave et profond des lieux communs et des bons mots arrangés d'avance, et la fortune de votre génie est assurée. Compatriote de Murat, mais de Murat sans royaume, M. de Caz nous était venu de la mère de Napoléon. Il était familier, obligeant, jamais insolent. Il me voulait du bien, je ne sais pourquoi, je ne m'en souciais pas. De là vint le commencement de mes disgrâces. Cela devait m'apprendre qu'on ne doit jamais manquer de respect à un favori. Le roi le combla de bienfaits et de crédits et le maria dans la suite à une personne très bien née, fille de Monsieur de Saint-Aulaire. Il est vrai que Monsieur de Caz servait trop bien la royauté. Ce fut lui qui déterra le maréchal Ney dans les montagnes d'Auvergne où il s'était caché. Fidèle aux inspirations de son trône, Louis XVIII disait de M. de Cazes « Je l'élèverai si haut qu'il fera envie au plus grand seigneur ». Ce mot, emprunté d'un autre roi, n'était qu'un anachronisme. Pour élever les autres, il faut être sûr de ne pas descendre. Or, au temps où Louis XVIII était arrivé, qu'était-ce que les monarques ? S'ils pouvaient encore faire la fortune d'un homme, ils ne pouvaient en faire la grandeur. Ils n'étaient plus que les banquiers de leurs favoris. Madame Princetot, sœur de M. de Cazes, était une agréable, modeste et excellente personne. Le roi s'en était amouraché en perspective. M. de Cazes, le père, que je vis dans la salle du trône en habit habillé, l'épée au côté, chapeau sous le bras, n'eut cependant aucun succès. Enfin, la mort de M. le duc de Berry accrut les inimitiés de part et d'autre et amena la chute du favori. J'ai dit que les pieds lui glissèrent dans le sang, ce qui ne signifie pas, à Dieu ne plaise, qu'il fut coupable du meurtre, mais qu'il tomba dans la mare rougie qui se forma sous le couteau de Louvel. J'avais résisté à la saisie de la monarchie selon la charte pour éclairer la royauté abusée et pour soutenir la liberté de la pensée et de la presse. J'avais embrassé franchement nos institutions et j'y suis resté fidèle. Ces tracasseries passées, je demeurais saignant des blessures qu'on m'avait faites à l'apparition de ma brochure. Je ne pris pas possession de ma carrière politique sans porter les cicatrices des coups que je reçus en entrant dans cette carrière. Je m'y sentais mal, je n'y pouvais respirer. Peu de temps après, une ordonnance, contresignée Richelieu, me raya de la liste des ministres d'État et je fus privé d'une place réputée jusqu'alors inamovible. Elle m'avait été donnée à Gand et la pension attachée à cette place me fut retirée. La main qui avait pris Fouché me frappa. J'ai eu l'honneur d'être dépouillé 3 fois pour la légitimité. La première pour avoir suivi les fils de Saint-Louis dans leur exil. La seconde pour avoir écrit en faveur des principes de la monarchie octroyée. La troisième pour m'être tue sur une loi funeste au moment où je venais de faire triompher nos armes. La campagne d'Espagne avait rendu des soldats au drapeau blanc. Et si j'avais été maintenu au pouvoir, j'aurais reporté nos frontières jusqu'aux rives du Rhin. Ma nature me rendit parfaitement insensible à la perte de mes appointements. J'en fus quitte pour me remettre à pied et pour aller les jours de pluie en fiacre à la chambre des pairs. Dans mon équipage populaire, sous la protection de la canaille qui roulait autour de moi, je rentrais dans les droits des prolétaires dont je fais partie. Du haut de mon char, je domine le train des rois. Je fus obligé de vendre mes livres. M. Merlin les exposa à la criée, à la salle Sylvestre, rue des Bons Enfants. Note. La bibliothèque de Chateaubriand fut vendue le 29 avril 1817 et les jours suivants. Fin de note. Je ne gardais qu'un petit Homère grec, à la marge duquel se trouvaient des essais de traduction et des remarques écrites de ma main. Bientôt, il me fallut tailler dans le vif. Je demandai à M. le ministre de l'Intérieur la permission de mettre en loterie ma maison de campagne. La loterie fut ouverte chez M. Denis, notaire. Il y avait 90 billets à 1 000 francs chaque. Les numéros ne furent point pris par les royalistes. Madame la duchesse d'Orléans, douairière, prit 3 numéros. Mon ami M. Lainé, ministre de l'Intérieur, qui avait contresigné l'ordonnance du 5 septembre et consenti dans le conseil à ma radiation, prit sous un faux nom 1/4 billet. L'argent fut rendu au souscripteur. Toutefois, M. Lainé refusa de retirer ses 1 000 francs. Il les laissa au notaire pour les pauvres. Peu de temps après, ma vallée au loup fut vendue, comme on vend les meubles des pauvres, sur la place du Châtelet. Note. Le journal des débats, dans son numéro du 12 avril 1817, inséra la note suivante rédigée par M. Bertin. On vient de mettre en vente une maison de campagne, en partie meublée, située à Aulnay, commune de Châtenay, près Sault-Pintièvre, appelée la Vallée ou Val de Loup. Cette maison, qui n'était qu'une chaumière avec une vigne et un verger, quand le propriétaire actuel en fit l'acquisition en 1807, est aujourd'hui une maison agréable, placée dans un parc de 20 arpents, enclos de murs et plantée avec soin. On y trouve la collection presque entière des arbres exotiques ou naturels au sol de la France. Le tout présente l'aspect d'une vallée solitaire, environnée de bois qui semblent en faire partie. Nous pouvons parler en connaissance de cause de cette demeure charmante, de ces beaux arbres trop tôt ravis aux mains qui les ont plantés et nous félicitons d'avance celui qui devra à la faveur du sort la propriété d'une campagne qui, comme celle de Tibur et d'Auteuil, sera à jamais illustrée par le nom et le souvenir de son premier créateur. Fin de note. Je souffris beaucoup de cette vente. Je m'étais attaché à mes arbres, plantés et grandis pour ainsi dire dans mes souvenirs. La mise à prix était de 50 000 francs. Elle fut couverte par M. le vicomte de Montmorency, qui seul osa mettre une surenchère de 100 francs. La vallée lui resta. Il a depuis habité ma retraite. Il n'est pas bon de se mêler à ma fortune. Cet homme de vertu n'est plus. Après la publication de la monarchie selon la charte, et à l'ouverture de la nouvelle session, au mois de novembre 1816, je continuai mes combats. Je fis à la Chambre des Pairs, dans la séance du 23 de ce mois, une proposition tendante à ce que le roi fût humblement supplié de faire examiner ce qui s'était passé aux dernières élections. La corruption et la violence du ministère dans ces dernières élections étaient flagrantes. Dans mon opinion sur le projet de loi relatif aux finances, 21 mars 1817. Je m'élevais contre le titre 11 de ce projet. Il s'agissait des forêts de l'État que l'on prétendait affecter à la caisse d'amortissement et dont on voulait vendre ensuite 150 000 hectares. Ces forêts se composaient de trois sortes de propriétés. Les anciens domaines de la couronne, quelques commanderies de l'ordre de Malte et le reste des biens de l'Église. Je ne sais pourquoi, même aujourd'hui, je trouve un intérêt triste dans mes paroles. Elles ont quelques ressemblances avec mes mémoires. N'en déplaise à ceux qui n'ont administré que dans nos troubles, ce n'est pas le gage matériel, c'est la morale d'un peuple qui fait le crédit public. Les propriétaires nouveaux feront-ils valoir les titres de leurs propriétés nouvelles ? On leur citera pour les dépouiller des héritages de 9 siècles enlevés à leurs anciens possesseurs. Au lieu de ces immuables patrimoines où la même famille survivait à la race des chênes, vous aurez des propriétés mobiles où les roseaux auront à peine le temps de naître et de mourir avant qu'elles aient changé de maître. Les foyers cesseront d'être les gardiens des mœurs domestiques. Ils perdront leur autorité vénérable. Chemins de passage ouverts à tout venant, ils ne seront plus consacrés par le siège de l'aïeul et par le berceau du nouveau-né. Père de France, c'est votre cause que je plaide ici et non la mienne. Je vous parle pour l'intérêt de vos enfants. Moi, je n'aurai rien à démêler avec la postérité. Je n'ai point de fils. J'ai perdu le champ de mon père et quelques arbres que j'ai plantés ne seront bientôt plus à moi. Par la ressemblance des opinions, alors très vives, il s'était établi une camaraderie entre les minorités des deux chambres. La France apprenait le gouvernement représentatif. Comme j'avais la sottise de le prendre à la lettre et d'en faire, à mon âme, une véritable passion, je soutenais ceux qui l'adoptaient, sans m'embarrasser s'ils n'entraient pas dans leur opposition plus de motifs humains que d'amour pur, comme celui que j'éprouvais pour la charte. Non que je fusse un niais, mais j'étais idolâtre de madame, et j'aurais traversé les flammes pour l'emporter dans mes bras. Ce fut dans cet accès de constitution que je connus M. de Villèle en 1816. Il était plus calme, il surmontait son ardeur, il prétendait aussi conquérir la liberté. Mais il en faisait le siège en règle. Il ouvrait méthodiquement la tranchée. Moi, qui voulais enlever d'assaut la place, je grimpais à l'escalade et j'étais souvent renversé dans le fossé. Je rencontrai pour la première fois M. de Villèle chez Mme la Duchesse de Lévis. Il devint le chef de l'opposition royaliste dans la chambre élective, comme je l'étais dans la chambre héréditaire. Il avait pour ami son collègue M. de Corbière. Celui-ci ne le quittait plus et l'on disait Villèle et Corbière, comme on dit Oreste et Pylade, Euryale et Nisus. Entrer dans de fastidieux détails pour des personnages dont on ne saura pas le nom demain serait d'une vanité idiote. D'obscurs et ennuyeux remuements qu'on croit d'un intérêt immense et qui n'intéressent personne. Des tripotages passés, qui n'ont déterminé aucun événement majeur, doivent être laissés à des béats heureux, lesquels se figurent être ou avoir été l'objet de l'attention de la terre. Il y avait pourtant des moments d'orgueil où mes démêlés avec M. de Villèle me paraissaient être à moi-même les dissensions de Sylla et de Marius, de César et de Pompée. Avec les autres membres de l'opposition, nous allions assez souvent rue Thérèse passer la soirée en délibération chez M. Pied. Nous arrivions extrêmement laids et nous nous asseyions en rond autour d'un salon éclairé d'une lampe qui filait. Dans ce brouillard législatif, Nous parlions de la loi présentée, de la motion à faire, du camarade apporté au secrétariat, à la questure, aux diverses commissions. Nous ne ressemblions pas mal aux assemblées des premiers fidèles peintes par les ennemis de la foi. Nous débitions les plus mauvaises nouvelles, nous disions que les affaires allaient changer de face, que Rome serait troublée par des divisions, que nos armées seraient défaites. M. de Villèle écoutait, résumait et ne concluait point. C'était un grand aideur d'affaires, marin circonspect, il ne mettait jamais en mer pendant la tempête. Et s'il entrait avec dextérité dans un port connu, il n'aurait jamais découvert le Nouveau Monde. Je remarquais souvent, à propos de nos discussions sur la vente des biens du clergé, que les plus chrétiens d'entre nous étaient les plus ardents à défendre les doctrines constitutionnelles. La religion est la source de la liberté. À Rome, le flamen dialis ne portait qu'un anneau creux au doigt, parce qu'un anneau plein avait quelque chose d'une chaîne. Dans son vêtement et sur sa tête, le pontife de Jupiter ne devait souffrir aucun nœud. Après la séance, M. de Villèle se retirait, accompagné de M. de Corbière. J'étudiais beaucoup d'individus, j'apprenais beaucoup de choses, je m'occupais de beaucoup d'intérêts dans ces réunions. Les finances, que j'ai toujours su, l'armée, la justice, l'administration, m'initiaient à leurs éléments. Je sortais de ces conférences un peu plus homme d'État et un peu plus persuadé de la pauvreté de toute cette science. Le long de la nuit, dans mon demi-sommeil, j'apercevais les diverses attitudes des têtes chauves, les diverses expressions des figures de ces Solons peu soignés et mal accompagnés de leur corps. C'était bien vénérable, assurément, mais je préférais l'hirondelle qui me réveillait dans ma jeunesse et les muses qui remplissaient mes songes. Les rayons de l'aurore qui, frappant un signe, faisaient tomber l'ombre de ces blancs oiseaux sur une vague d'or, le soleil levant qui m'apparaissait en Syrie, dans la tige d'un palmier, comme le nid du phénix, me plaisait mieux. Je sentais que mes combats de tribune, dans une chambre fermée et au milieu d'une assemblée qui m'était peu favorable, restaient inutiles à la victoire et qu'il me fallait avoir une autre arme. La censure étant établie sur les feuilles périodiques quotidiennes, je ne pouvais remplir mon dessin qu'au moyen d'une feuille libre semi-quotidienne, à l'aide de laquelle j'attaquerais à la fois le système des ministres et les opinions de l'extrême-gauche imprimées dans la Minerve par M. Étienne. J'étais à Noisiel, chez Mme la Duchesse de Lévis, dans l'été de 1818, lorsque mon libraire, M. Lenormand, me vint voir. Je lui fis part de l'idée qui m'occupait. Il prit feu, s'offrit à courir tous les risques et se chargea de tous les frais. Je parlai à mes amis, messieurs de Bonald et de la Ménet. Je leur demandai s'ils voulaient s'associer. Ils y consentirent et le journal ne tarda pas à paraître sous le nom de « Conservateur ». La révolution opérée par ce journal fut inouïe. En France, il changea la majorité dans les chambres. À l'étranger, il transforma l'esprit des cabinets. Ainsi les royalistes me durent l'avantage de sortir du néant dans lequel ils étaient tombés auprès des peuples et des rois. Je mis la plume à la main aux plus grandes familles de France, j'affublai en journalistes les Montmorency et les Lévis, je convoquai l'arrière-ban, je fis marcher la féodalité au secours de la liberté de la presse. J'avais réuni les hommes les plus éclatants du parti royaliste, messieurs de Villèle, de Corbière, de Vitrolles, de Castelbajac, etc. Je ne pouvais m'empêcher de bénir la Providence toutes les fois que j'étendais la robe rouge d'un prince de l'Église sur le conservateur pour lui servir de couverture, et j'avais le plaisir de lire un article signé en toutes lettres le cardinal de la Luzerne. Mais il arriva qu'après avoir mené mes chevaliers à la croisade constitutionnelle, aussitôt qu'ils eurent conquis le pouvoir par la délivrance de la liberté, aussitôt qu'ils furent devenus princes d'Édesse, d'Antioche, de Damas, ils s'enfermèrent dans leurs nouveaux états avec Léonore d'Aquitaine et me laissèrent me morfondre au pied de Jérusalem dont les infidèles avaient repris le Saint-Tombeau. Ma polémique commença dans le Conservateur et dura depuis 1818 jusqu'en 1820, c'est-à-dire jusqu'au rétablissement de la censure dont le prétexte fut la mort du duc de Berry. À cette première époque de ma polémique, je culbutai l'ancien ministère et fis entrer M. de Villèle au pouvoir. Après 1824, quand je repris la plume dans des brochures et dans le journal des débats, les positions étaient changées. Que m'importaient pourtant ces futiles misères, à moi qui n'ai jamais cru au temps où je vivais, à moi qui appartenais au passé, à moi sans foi dans les rois, sans conviction à l'égard des peuples, à moi qui ne me suis jamais soucié de rien, excepté des songes, à condition encore qu'ils ne durent qu'une nuit. Le premier article du Conservateur peint la position des choses au moment où je descendis dans la lice. Pendant les 2 années que dura ce journal, j'eus successivement à traiter des accidents du jour et à examiner des intérêts considérables. J'eus occasion de relever les lâchetés de cette correspondance privée que la police de Paris publiait à Londres. Ces correspondances privées pouvaient calomnier, mais elles ne pouvaient déshonorer. Ce qui est vil n'a pas le pouvoir d'avilir. L'honneur seul peut infliger le déshonneur. Calomniateurs anonymes, disais-je, ayez le courage de dire qui vous êtes. Un peu de honte est bientôt passée. Ajoutez votre nom à vos articles, ce ne sera qu'un mot méprisable de plus. Je me moquais quelquefois des ministres, et je donnais cours à ce penchant ironique que j'ai toujours réprouvé en moi. Enfin, sous la date du 5 décembre 1818, le Conservateur contenait un article sérieux sur la morale des intérêts et sur celle des devoirs. C'est de cet article qui fit du bruit qu'est née la phraséologie des intérêts moraux et des intérêts matériels, mise d'abord en avant par moi, adoptée ensuite par tout le monde. Le voici fort abrégé. Il s'élève au-dessus de la portée d'un journal et c'est un de mes ouvrages auxquels ma raison attache quelque valeur. Il n'a point vieilli parce que les idées qu'il renferme sont de tous les temps. Le ministère a inventé une morale nouvelle, la morale des intérêts. Celle des devoirs est abandonnée aux imbéciles. Or, cette morale des intérêts, dont on veut faire la base de notre gouvernement, a plus corrompu le peuple dans l'espace de 3 années que la Révolution dans un quart de siècle. Ce qui fait périr la morale chez les nations, et avec la morale les nations elles-mêmes, ce n'est pas la violence, mais la séduction. Et par séduction, j'entends ce que toute fausse doctrine a de flatteur et de spécieux. Les hommes prennent souvent l'erreur pour la vérité parce que chaque faculté du cœur ou de l'esprit a sa fausse image. La froideur ressemble à la vertu, le raisonné à la raison, le vide à la profondeur, ainsi du reste. Le 18e siècle fut un siècle destructeur, nous fûmes tous séduits. Nous dénaturâmes la politique, nous nous égarâmes dans de coupables nouveautés en cherchant l'existence sociale dans la corruption de nos mœurs. La Révolution va nous réveiller. En poussant le Français hors de son lit, elle le jeta dans la tombe. Toutefois, le règne de la terreur est peut-être, de toutes les époques de la Révolution, celle qui fut la moins dangereuse à la morale parce qu'aucune conscience n'était forcée. Le crime paraissait dans sa franchise. Des orgies au milieu du sang, des scandales qui n'en étaient plus à force d'être horribles, voilà tout. Les femmes du peuple venaient travailler à leurs ouvrages, autour de la machine à meurtre comme à leur foyer. Les échafauds étaient les mœurs publiques, et la mort le fond du gouvernement. Rien de plus net que la proposition de chacun. On ne parlait ni de spécialité, ni de positif, ni de système d'intérêt. Ce galimatia des petits esprits et des mauvaises consciences était inconnu. On disait à un homme « Tu es royaliste, noble, riche, meurs !» Et il mourait. Antonelle écrivait qu'on ne trouvait aucune charge contre tel prisonnier, mais qui les avait condamnés comme aristocrates, monstrueuse franchise qui, nonobstant, laissait subsister l'ordre moral. Car ce n'est pas de tuer l'innocent comme innocent qui perd la société, c'est de le tuer comme coupable. En conséquence, ces temps affreux sont ceux des grands dévouements. Alors les femmes marchèrent héroïquement au supplice, les pères se livrèrent pour les fils, et les fils pour les pères. Des secours inattendus s'introduisaient dans les prisons, et le prêtre que l'on cherchait consolait la victime auprès du bourreau qui ne le reconnaissait pas. La morale sous le directoire eut plutôt à combattre la corruption des mœurs que celle des doctrines. Il y eut débordement. On fut jeté dans les plaisirs comme on avait été entassé dans les prisons. On forçait le présent à avancer les joies sur l'avenir dans la crainte de voir renaître le passé. Chacun, n'ayant pas encore eu le temps de se créer un intérieur, vivait dans la rue, sur les promenades, dans les salons publics. Familiarisé avec les échafauds et déjà à moitié sorti du monde, on trouvait que cela ne valait pas la peine de rentrer chez soi. Il n'était question que d'art, de bal, de mode. On changeait de parures et de vêtements aussi facilement qu'on se serait dépouillé de la vie. Sous Bonaparte, la séduction recommença, mais ce fut une séduction qui portait son remède avec elle. Bonaparte séduisait par un prestige de gloire, et tout ce qui est grand porte en soi un principe de législation. il concevait qu'il était utile de laisser enseigner la doctrine de tous les peuples, la morale de tous les temps, la religion de toute éternité. Je ne serais pas étonné de m'entendre répondre « Fonder la société sur un devoir, c'est l'élever sur une fiction. La placer dans un intérêt, c'est l'établir dans une réalité. » Or, c'est précisément le devoir qui est un fait, et l'intérêt, une fiction. Le devoir qui prend sa source dans la divinité descend d'abord dans la famille, où il établit des relations réelles entre le père et les enfants. De là, passant à la société et se partageant en deux branches, il règle dans l'ordre politique les rapports du roi et du sujet. Il établit dans l'ordre moral la chaîne des services et des protections, des bienfaits et de la reconnaissance. C'est donc un fait très positif que le devoir, puisqu'il donne à la société humaine la seule existence durable qu'elle puisse avoir. L'intérêt, au contraire, est une fiction quand il est pris, comme on le prend aujourd'hui, dans son sens physique et rigoureux, puisqu'il n'est plus le soir ce qu'il était le matin, puisqu'à chaque instant il change de nature, puisque, fondé sur la fortune, il en a la mobilité. Par la morale des intérêts, chaque citoyen est en état d'hostilité avec les lois et le gouvernement, puisque dans la société, c'est toujours le grand nombre qui souffre. On ne se bat point pour des idées abstraites d'ordre, de paix, de patrie, ou si l'on se bat pour elles, c'est qu'on y attache des idées de sacrifice. Alors on sort de la morale des intérêts pour rentrer dans celle des devoirs, tant il est vrai que l'on ne peut trouver l'existence de la société hors de cette sainte limite. Qui remplit ses devoirs s'attire l'estime. Qui cède à ses intérêts est peu estimé. C'est bien du siècle de puiser un principe de gouvernement dans une source de mépris. Élevez les hommes politiques à ne penser qu'à ce qui les touche, et vous verrez comment ils arrangeront l'État. Vous n'aurez par là que des ministres corrompus et avides, semblables à ces esclaves mutilés qui gouvernaient le bas empire, et qui vendaient tout, se souvenant d'avoir eux-mêmes été vendus. Remarquez ceci. Les intérêts ne sont puissants que lors même qu'ils prospèrent. Le temps est-il rigoureux? Ils s'affaiblissent. Les devoirs, au contraire, ne sont jamais si énergiques que quand il en coûte de les remplir. Le temps est-il bon? Ils se relâchent. J'aime un principe de gouvernement qui grandit dans le malheur. Cela ressemble beaucoup à la vertu. Quoi de plus absurde que de crier au peuple « Ne soyez pas dévoués, n'ayez pas d'enthousiasme, ne songez qu'à vos intérêts !» C'est comme si on leur disait « Ne venez pas à notre secours, abandonnez-nous si tel est votre intérêt !» Avec cette profonde politique, lorsque l'heure du dévouement arrivera, chacun fermera sa porte, se mettra à la fenêtre et regardera passer la monarchie. Tel était cet article sur la morale des intérêts et sur la morale des devoirs. Fin de la section 23.